18 avril. Vous craignez que je ne vous oublie? Voilà du nouveau. Max, chéri, ne commencez pas à faire la grue, comme je dis. Je pense à vous, je vous regarde, de loin, avec une attention si vive que vous devez, par instant, en être mystérieusement averti. N'est-ce pas? Je vous observe, à travers la distance, profondément, sans me lasser. Je vous vois si bien. C'est maintenant que les heures de notre rapide intimité n'ont plus de secret pour moi et que je déroule toutes nos paroles, tous nos silences, nos regards, nos gestes, fidèlement enregistrés avec leur valeur picturale et musicale. Et c'est le temps que vous choisissez pour coqueter, un doigt au coin de la bouche. Vous m'oubliez, je vous sens plus loin de moi. Oh, la seconde vue des amants. Je m'éloigne, c'est vrai, mon ami. Nous venons de dépasser Avignon et j'ai pu croire, hier, en m'éveillant dans le train après un somme de 2 heures, que j'avais dormi 2 mois. Le printemps était venu sur ma route. Le printemps, comme on l'imagine dans les contes de fées, l'exubérant, l'éphémère, l'irrésistible printemps du midi. Gras, frais, jaillit en brusque verdure, en herbe déjà longue que le vent balance et moire, en arbre de Judée mauve, en polonia couleur de pervenche grise, en fausée baignée, en glycine, en rose. Les premières roses, mon ami aimé, je les ai achetées à la gare d'Avignon, à peine entrebâillées, d'un jaune de soufre rehaussé de carmin, transparente au soleil comme une oreille que teinte un sang vif, parée de feuilles tendres, d'épines courbes en corail poli. Elles sont là, sur ma table. Elles embaument l'abricot, la vanille, le très fin cigare, la brune soignée. C'est l'odeur même, Max, de vos mains sèches et foncées. Mon ami, je me laisse éblouir et ranimer par cette saison neuve, ce ciel vigoureux et dur, la dorure particulière de ces pierres que le soleil caresse toute l'année. Non, non, ne me plaignez pas de partir à l'aube, puisque l'aube, en ce pays, s'échappe, nue et empourprée, d'un ciel laiteux, éventé de sons de cloches et de vols de pigeons blancs. Oh, je vous en prie, comprenez que vous ne devez pas m'écrire de lettres soignées, que vous ne devez pas penser à ce que vous m'écrivez. Écrivez n'importe quoi, la couleur du temps, l'heure de votre réveil, votre méchante humeur contre la romanichelle appointée. Remplissez les pages avec le même mot tendre, répété comme le cri d'un oiseau amoureux qui appelle. Mon cher amant, j'ai besoin que ton désordre réponde à celui de ce printemps qui a crevé la terre et se consume de sa propre hâte. Il m'arrive rarement de relire mes lettres. J'ai relu celle-ci, et je l'ai laissée partir, avec l'étrange impression que je commettais une maladresse, une erreur, et qu'elle s'en allait vers un homme qui n'aurait pas dû la lire. La tête me tourne un peu depuis Avignon. Les pays de brume ont fondu là-bas, derrière les rideaux de cyprès que le mistral penche. Le soyeux bruissement des longs roseaux est entré ce jour-là par la glace baissée du wagon, en même temps qu'une odeur de miel, de sapin, de bourgeon verni, de lilas en bouton, ce parfum amer du lilas avant la fleur qui mêle la térébenthine et l'amande. L'ombre des cerisiers est violette sur la terre rougeâtre qui déjà se fendille de soif. Sur les routes blanches que le train coupe ou longe, une poussière crayeuse roule en tourbillon bas et poudre les buissons. Le murmure d'une fièvre agréable bourdonne sans cesse à mes oreilles, comme celui d'un essaim lointain. Sans défense, perméable à cet excès pourtant prévu de parfums, de couleurs, de chaleur, je me laisse surprendre, emporter, convaincre. Est-il possible qu'une telle douceur soit sans danger? La canne-bière, assourdissante, fourmille à mes pieds, sous le balcon. La canne-bière, qui ne se repose ni jour ni nuit, et où la flânerie acquiert l'importance, la sécurité d'une fonction. Si je me penche, je puis voir scintiller au bout de la rue, derrière la dentelle géométrique des cordages, l'eau du port, un bout de mer d'un bleu épais qui danse à petites vagues courtes. Ma main, sur le rebord du balcon, froisse le dernier billet de mon ami qui répond à ma lettre de Lyon. Il s'y souvient, mal à propos, que ma camarade Amalia Barali n'aimait pas les hommes. Il n'a pas manqué, en être normal et bien équilibré qu'il est, de flétrir un peu en la raillant ma vieille amie et de nommer vice ce qu'il ne comprend pas. À quoi bon lui expliquer ? Deux femmes enlacées ne seront jamais pour lui qu'un groupe polisson, et non l'image mélancolique et touchante de deux faiblesses, peut-être réfugiées aux bras l'une de l'autre pour y dormir, y pleurer, fuir l'homme, souvent méchant, et goûter, mieux que tout plaisir, l'amer bonheur de se sentir pareil, infime, oublié. À quoi bon écrire, et plaider, et discuter ? Mon voluptueux ami ne comprend que l'amour. 24 avril. Ne faites pas cela, ne faites pas cela, je vous en supplie. Débarquez ici sans crier gare, vous n'y avez pas songé sérieusement, dites. Ce que je ferais si je vous voyais soudain entrer dans ma loge, comme il y a 5 mois à l'Empire Clichy ? Mon Dieu, je vous garderais, vous n'en doutez pas. C'est pour cela qu'il ne faut pas venir. Je vous garderais, mon chéri, contre mon cœur, contre ma gorge tant caressée, contre ma bouche qui défleurit de n'être plus baisée. Oh, comme je vous garderai. C'est pour ça qu'il ne faut pas venir. Cessez d'invoquer notre mutuel besoin de reprendre courage, de puiser l'un dans l'autre l'énergie d'une nouvelle séparation. Laissez-moi toute seule à mon métier que vous n'aimez pas. Il s'en faut de 20 jours que je revienne, voyons. Laissez-moi accomplir ma tournée en y mettant une conscience vaguement militaire, une application d'honnête travailleuse à laquelle il ne faut pas mêler notre bonheur. Ta lettre m'a fait peur, mon chéri. J'ai cru que j'allais te voir entrer. Songe à ne pas abîmer ton ami. Ne lui prodigue ni la peine, ni la joie imprévue. René. L'auvent de toile bat de l'aile au-dessus de nous, éventant d'ombre et de lumière la terrasse du restaurant où nous venons de déjeuner sur le port. Brague lit les journaux et de temps en temps s'exclame et parle à lui-même. Je ne l'entends pas, je le vois à peine. Une habitude déjà longue a supprimé entre nous la politesse, la coquetterie, la pudeur, tous les mensonges. Nous venons de manger des oursins, des tomates, de la brandade de morue. Et il y a devant nous, entre la mer huileuse qui lèche le flanc des bateaux et la balustrade de bois ajouré qui clôt cette terrasse, une bande de pavés où défilent des gens affairés à figures heureuses de fainéants. Il y a des fleurs fraîches, des œillets durement cordés en bottes comme des poireaux qui trempent dans des seaux verts. Il y a un éventaire chargé de bananes noires qui sentent l'éther et de coquillages ruisselants d'eau marine. Des oursins, des violets, des palourdes, des moules bleus, des praires, parmi les citrons et les fioles de vinaigre rose. Je rafraîchis ma main à la panse de l'alcaraza blanc, brodé comme un melon, qui sue sur la table. Tout ce qui est là m'appartient et me possède. Demain, je ne croirai pas emporter cette image, mais il me semble qu'une ombre de moi, détachée de moi comme une feuille, demeurera ici. Un peu courbé de fatigue, sa main transparente étendue et posée au flanc d'un alcaraza invisible. Je contemple mon royaume changeant comme si j'avais failli le perdre. Rien ne menace pourtant cette facile vie roulante, rien qu'une lettre. Elle est là, dans mon petit sac. Hey, comme il écrit, mon ami, quand il veut, comme il se fait clairement comprendre. Voici, sur 8 pages, ce que je puis appeler enfin une vraie lettre d'amour. Elle en a l'incohérence, l'orthographe 2 ou 3 fois boiteuse, la tendresse et l'autorité. Une autorité superbe qui dispose de moi, de mon avenir, de ma courte vie entière. L'absence a fait son œuvre, il a souffert sans moi, puis il a réfléchi et ordonné soigneusement un bonheur durable. Il m'offre le mariage, comme il m'offrirait un clos ensoleillé, borné de murs solides. Ma mère a bien crié un peu, mais je la laisse crier. Elle a toujours fait ce que j'ai voulu. Tu feras sa conquête. Et puis, pour le temps que nous passerons avec elle, vous aimez le voyage, ma femme chérie? Vous en aurez jusqu'à vous lasser. Vous aurez à vous toute la terre, jusqu'à ne plus aimer qu'un petit coin à nous, où vous ne serez plus René Néré, mais madame ma femme. Il faudra bien que cette vedette vous suffise. Je m'occupe déjà de... De quoi s'occupe-t-il, déjà? Je déplie les minces feuilles de papier pelure qui font un bruit de billets de banque. Il s'occupe de déménagement, car le second étage de l'hôtel, chez son frère, ne fut jamais qu'une sortable garçonnière. Il guigne quelque chose du côté de la rue Pergolèse. Dans un mouvement d'hilarité brutale, je froisse la lettre en m'écriant « Eh ben, et moi, on ne me consulte pas? Qu'est-ce que je deviens dans tout ça ?» Bragg lève la tête, puis reprend son journal, sans mot dire. Sa discrétion, qui dose également la réserve et l'indifférence, ne s'étonne pas de si peu. Je ne mentais pas quand j'écrivais à Max il y a 2 jours. Je vous vois si bien à présent que je suis loin. Pourvu que je ne le vois pas trop bien. Jeune, trop jeune pour moi. Oisif, libre. Tendre, certes, mais gâté. Ma mère a toujours fait ce que j'ai voulu. J'écoute sa voix prononcer ces mots-là, sa belle voix sombre, nuancée, prenante, et comme travaillée théâtralement, sa voix qui embellit les paroles. J'écoute, en écho diabolique, une autre voix qui monte, assourdie, du fond de mes souvenirs. La femme qui me fera marcher n'est pas encore née. Coïncidence, si l'on veut. Mais il me semble tout de même que je viens d'avaler un petit morceau de verre pointu. Oui, qu'est-ce que je deviens dans tout ça? Une femme heureuse? Ce soleil qui pénètre impérieux dans mon intime chambre noire me gêne pour penser. Je rentre, Bragg. Je suis fatiguée. Bragg me regarde par-dessus son journal, la tête penchée sur l'épaule pour éviter le filet de fumée qui monte de sa cigarette, à demi éteinte au coin de ses lèvres. Fatiguée? Pas malade? C'est samedi, tu sais. Le public de l'Eldo sera chaud. Tiens-toi ferme. Je ne daigne pas répondre. Me prend-il pour une débutante? On le connaît, ce public de Marseille, irritable et bon enfant, qui méprise la timidité et châtie l'outrecuidance, et qu'on ne conquiert pas sans lui donner toutes ses forces.